إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو اليوم 15 من شهر رمضان، وهذه الخطبة هي الخطبة الثانية متممة من الخطبة التي قبلها. الخطبة que nous allons exposer aujourd'hui, c'est la continuité de la khutba de la semaine dernière, plus bien sûr des nouveautés. La semaine dernière, on avait vu des choses qui étaient permises lors du jeûne. Si Ramadan ou la fière Ramadan. Le saïm, c'est Shahr Ramadan ou la Kharij Ramadan. Moi, je suis un saïm, quel hawaïs, il joue de bâchidir. Ousmane al-Fatih, c'est qu'elle m'a fait vous. On m'a fait le nage. Et lui, بإذن الله, on m'a fait le hadil mouvihat, les saïm. Donc aujourd'hui, on va compléter par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière. Pour répéter vite fait simplement les points importants de la khutbah de la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas présents, on avait dit qu'il était permis pour celui qui jeûne de prendre sa douche, l'istihmam. On avait dit que c'était permis. On avait dit aussi qu'il pouvait se rincer la bouche quand il avait très soif ou quand il faisait très chaud, sans bien sûr avaler l'eau. Au qulna aussi, l'iktihal, celui qui veut mettre du khul dans les yeux, il peut mettre du khul dans les yeux. On avait dit aussi que celui qui veut mettre des gouttes dans les yeux quand il est malade, c'était permis. On avait aussi dit al-qubla. Le qubla, c'est le baiser, le fait d'embrasser. C'était permis sans shahwa, bien sûr. S'il y a une shahwa, non, c'est interdit. On avait ramené les dalils à la pluie. On avait parlé aussi donc al-hukna. Al-hukna, on avait dit que c'était le fait de faire rentrer, c'est l'intraveineuse. C'est le fait de faire rentrer un médicament ou éventuellement du sang à une personne qui est malade. On avait dit que c'était permis. On avait parlé aussi de l'hijama. L'hijama, c'est le fait de retirer le mauvais sang. Là, j'énumère rapidement, mais celui qui veut donc la khutba complète, il la retrouvera sur les kassab, bi'idhnillah. On avait dit aussi al-madmada wal-istinshar. Al-madmada, c'est le fait de faire le gargarisme. Quand quelqu'un fait les ablutions, wahid qui tombe pas, il dit le mafé poumon, il dit al-madmada. Wal-istinshar, ou qui dit le mafé nifou, il dit le mafé nifou, hada al-istinshar. C'était permis, mais sans excès. Mais katak, mais belerch. On avait dit aussi, d'autres taham, que celui qui voulait goûter la nourriture, il pouvait goûter la nourriture, mais sans l'avaler. On avait dit aussi, qu'il était permis à celui qui ne pouvait pas, comme par exemple des fois, tu as de la poussière, tu as le robard, tu as des choses comme ça qui sont dans la nature que tu ne peux pas quoi contrôler, qui rentrent dans ton nez ou dans ta bouche. Là, il n'y avait pas de problème. On avait dit que celui qui avait bu ou mangé involontairement parce qu'il avait oublié, c'est un bienfait de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui l'a nourri et qui lui a donné à boire. Donc, on avait ramené aussi les dalils. On avait parlé aussi du siwak. Le siwak, c'était permis de faire le siwak pendant la journée du jeûne, que ce soit le matin ou l'après-midi. Dès que des fois on rencontre dans certains avis de jurisprudence qu'après le zawal, il est déconseillé de faire le siwak pour garder l'odeur du jeûne durant la journée. Mais le roi le Vajir, il peut faire le siwak. On avait vu aussi un autre point que je n'avais pas évoqué parce que je n'avais pas la science dessus, c'était le siwak que les femmes utilisent. Le siwak que les femmes utilisent avec le siwak l'ahma. Ouha. قلنا بلي نزيدو نبحثو ونشوفو الحمد لله اتصلنا بالشيخ واحد الشيخ عالم جليل جزاه الله خير وقلنا له يا شيخ عندنا هذه المساله ما عرفناش الحكم تاعو واش الحكم تاعو قال لك هذا ليس حكم السواك واش قلنا قلنا له السواك في لي فام اوتيليز لو سواك كي بيكون اي كي دوني كولور روجات او جونسيف اي كي بلانشي لي دون سولي لا الى لو ميم حكم كي لو حكم دو سواك عرف العراق سي لو ميم حكم لا يثيرو صاحبه أما اليوم نكمل بهذه الباقية. إذن اليوم سنكمل avec ce qui nous manquait. إذا قلنا يباح للصائم أن يصبح جنبا. واحد صبح جنبا يجوز له ولكن ما يبقاش نهار كامل جالس. لازم يغتسل بسرعة. والدليل عن عائشة وأم سلامة رضي الله عنهما قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل وهو يصوم متفق عليه. Ici donc, il est permis à une personne de se lever le matin en état d'impureté majeure. Et il jeûne, il fait sa douche, il fait sa prière et il continue son jeûne. Parce que Aïcha et Umm Salama ont rapporté ça du prophète صلى الله عليه وسلم. Onzième. الاحتلال نهارا ولو خرج المني. Quelqu'un qui a fait une petite sieste. Il était fatigué dans la journée, il a fait une petite sieste. Il a fait un rêve et il s'est réveillé, il a vu qu'il avait des pollutions nocturnes. Mais bon, là c'était dans la journée. Il n'y a pas de problème, son jeûne il est toujours valable. Sauvez-vous, sahih. Alayhim, un irtafi, faqat. Il devra faire simplement la douche pour enlever cette pollution. Sauvez-vous, sahih. Treizièmement, khuruj al-mani. من غير تعمد أو قصد في أن يفكر فينزل. Quelqu'un dont il a eu la descente de sperme, il a eu cette descente-là, elle s'est faite involontairement, ou il a pensé, ça arrive, c'est le bachar bachar, il a pensé, ok, il a nzel, nzel avec le mani. Moi je dis le cas de halal, son terreau bachar ou là, la machine bachar, son sahih, yassin. Troisièmement, la ba'sa bi dhuhni al-jasmi ma'a siyam wa wad' al-hanna asna siyam. Il est permis donc, en troisièmement, de mettre de la crème sur son corps, telle que de la crème Nivea quand il fait froid, sur son corps, sur son visage, sur sa peau, ou bien les femmes qui veulent mettre le hanna. Il est permis de mettre le hanna dans les mains, ou bien des fois on voit des hommes mettre du hanna dans les pieds quand ils sont malades. Ah ben c'est voilà une seule sahiba. Wa hunaka su'al. Mais là, il y a une question qu'on peut se poser. هل يجوز استعمال الطب في دهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟ Ça, c'est une question qui revient souvent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'expose. C'est que, est-ce qu'il est permis de mettre du parfum? Du parfum à base d'alcool ou du parfum qu'on rencontre le muscle là, sans alcool? Est-ce qu'on peut le mettre pendant le mois du Ramadan ou quand on est en jeûne? Il est permis. نعم يجوز استعماله بشرط avec des conditions خاصة البخور هذاك البخور اللي يديروه في الجاوي والبخور وهذه الأمور اللي يحرقوه وبدا يبقى البخور يطلع هذا بشرط le parfum normalement on peut l'utiliser il n'y a pas de problème أما البخور هذاك il ne faut pas le sentir directement quand il s'allume directement non أما إذا كان في الهواء كما هذاك الباسون دو لونسون là هذاك العود اللي يريح هذا كي يكون في الهواء فاش ما يستشموا اما كي تشعلوا ويبقى غير يحرق قدامك وانت دير نيتك هذا لا لانه يخلي امور هذوك يسموه الدخان واحد كبير ربي يعفو عليه نقولوا الله يعفو عليه نقولوا له حرام الدخان يبقى الصيام ما ندخلوش في حكم الدخان نقولوا يعني حكم الحاجه اللي تمثل الصيام هذا نفس الحكم. Pourquoi le bouchon, celui qu'on fait brûler, quand on le fait brûler tout de suite, il s'enflamme et il y a beaucoup de fumée. Celui-là, il ne faudra pas le sentir. Il faudra attendre qu'il s'évapore dans l'air. Quand il s'évapore dans l'air, là, tu peux te permettre de le sentir. Mais il y a juste le sermon de l'eau, il y a juste le sermon de l'eau, il y a juste le sermon de l'eau, الذي يستنشق البخور لأن له جرم يصل إلى المعدة وهو الدخان كما قلنا. 14 كتر دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية. La ventoline, pour les gens qui sont malades, qui ont de l'asthme et qui utilisent la ventoline, il peut l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il ne le mange pas. Ça, c'est la première des choses. En plus, elle passe par la trachée artère. La ventoline qui risquerait de faire rompre le jeûne, c'est cette ventoline qui, quand tu appuies, elle dégage un liquide. Il y a des produits comme ça, quand tu dégages, ça dégage un liquide. C'est cette ventoline-là, parce qu'il en existe beaucoup. Il existe beaucoup de sortes de ventolines. Mais la ventoline pour ceux qui ont de l'asthme, qui ont des problèmes respiratoires, et qui dégage simplement un gaz, ça ne fait pas rompre le jeûne. Quinzièmement, la yustiru man ukhida damuhu fil ibra lit tahlil wa l'ikhtibar. Celui dont on a pris du sang pour faire un examen sanguin. On l'avait vu la semaine dernière. Pour faire un examen sanguin, on a pris ton sang, ça ne fait pas rompre le jeûne. يموك صحيح ستار سيزيما المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإفطار ومتى شفاه الله سبحانه وتعالى قضى ما عليه لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى لملاد المريض يكون مريض في أيام رمضان يجوز له يأكل وكي ربي يشفيه يقضي. لأن المريض ينقسم إلى قسمين، المريض ينزوج من نفس المرضى، كان المريض لربي يشفيه، وكان المريض للمرتعون الممات. بس نفهمه، الملاد يتدفز عن دوه، il y a le malade qui est malade pendant cette période-là, pour X ou X raisons. Qu'est-ce qu'on dira à lui? On dira non, tu ne jeûnes pas, tu t'abstiens de jeûner, quand tu seras guéri, tu rentreras 3, 4, 5, 10 jours, 30 jours s'il le faut de ton mois. Ça c'est la première sorte de malade. La deuxième sorte de malade c'est qui? C'est le mariage qui n'a pas de minorage chifa. Lui, il a une maladie chronique. Il ne peut pas guérir. Lui, il ne jeûnera pas. Le chirurgien a dit qu'il n'y a pas de minorage chifa. Il n'y a pas de minorage chifa. Alhamdulillah, il n'y a pas de minorage chifa. Mais il n'y a pas de minorage chifa. Il n'y a pas de minorage chifa. Tu te rends encore plus malade en jeûnant qu'en ne pas jeûnant. Et en plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné, alhamdulillah, une permission. Pourquoi tu n'utilises pas cette permission? Utilise cette permission. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne donc dans le verset, dans le sens rapproché, il dit وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا donc celui qui est malade أَوْ عَلَى سَفَرٍ ou en voyage فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ il devra rendre les jours auxquels il n'a pas jeûné dedans. وَمَنْ عَجِزَ عَنِ الصَّوْمِ لِكُبْرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بَرَاءُهُ Et celui dont on a dit que c'est une personne âgée, des fois il y a des personnes qui sont très âgées, des personnes vieilles, que ce soit une dame ou bien un homme, il ne peut pas jeûner. Ou parce que quelqu'un est malade avec une maladie chronique, qu'est-ce qu'il devra faire lui? Il compte les jours où il n'a pas jeûné, et il ne jeûnera pas parce qu'on a dit qu'il ne pouvait pas jeûner. Et à chaque jour, il donne la nourriture à un pauvre, redin ou l'acha. Un repas du midi ou bien le repas du soir, un des deux, comme il veut. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين donc il donnera à manger à ce pauvre là par jour manqué. قال ابن عباس رضي الله عنه نزلت خاصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. C'est-à-dire que là il est descendu explicitement à l'homme âgé ou bien la femme âgée. لا يستطيعان الصيام فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا. Donc il devra, comme on l'a mentionné, donner à chaque jour de jeûne manqué, un repas à un pauvre, à un nécessiteux. Et le pauvre, c'est pas n'importe qui. C'est pas celui qui te dit, qui fait la mendicité un peu partout qu'on voit dans les rues. C'est du fissabillah, fissabillah. On sait même pas premièrement si c'est un musulman. De toute façon, c'est même pas un musulman. Et sadaqata'aka. Là, t'as juste fait rire le mu'min muslim. On donne pas notre argent à n'importe qui. La ilaha illallah. ومقدار الإطعام نصف صاع من قوت البلد. Ici c'est quoi la quantité de nourriture à donner? C'est la moitié de nisf sa, la moitié donc d'un sa. Un sa c'est quoi? C'est 4 moud. Moud c'est quoi? Un moud c'est sa. c'est deux mains rassemblées. Un moud, c'est ça. Un sa, c'est quatre fois ça. Quatre mouds. Si on donne la moitié, c'est-à-dire tu donnes deux mouds. De riz, couscous, ça dépend de ce que les gens mangent dans le pays. Mais bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, les ulama, ils nous ont donné des facilités. Alhamdoulilah, tu vas par exemple dans n'importe quel restaurant, tu peux manger pour 30 francs. 30 francs, tu peux manger. لا طب المثل خير ربما يروح يتفلسف بالمال ديالك لا طب كاين تخمم كاين شيخ يدي et si on donne de l'argent directement c'est mieux de donner la nourriture parce que quand tu donnes la nourriture tu sais qu'il va manger ça ونزيد القديم نقول لك حاجه كان شي ناس يجيو يطلبوا الاموال احيانا نعطيهم ماكله صافي واش يديروا بالماكله يروحوا يبيعوها وشفناهم quand tu donnes de la nourriture aujourd'hui qu'est-ce que les gens font ils vont la vendre. La nourriture que tu leur as donnée. La nourriture que tu lui as donnée, ils vont la vendre. Allah al-Musta'an. Fadou Masakim, Allah alam bihalihim. Seul Allah peut savoir si réellement ils sont nécessités ou pas. Non. Quinzièmement. Donc ça c'était pour parler de ce qui était permis pendant les jours de jeûne. Que ce soit pendant le ramadan ou en dehors du ramadan. Il y a encore un point important, c'est يَجِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُكَلَّفٌ صَحِيحٌ مُقِيمٌ غَيْرُ مَرِيضٍ وَلَا مُسَافِرٍ الْكَفَّارَةُ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est un point important. ونحن نذكر الأمور الواجبة علينا. Quelqu'un qui a eu un rapport avec sa femme pendant le jour du mois du ramadan, quand je dis le jour, c'est pas pendant la nuit. Pendant la nuit, la manière, il n'y a pas d'interdit. Mais dans la journée, tu as un rapport avec ta femme. Tu n'étais pas en voyage. Tu n'étais pas malade. Tu étais moqué, c'est-à-dire tu étais sur le sol. Tu n'étais pas voyageur, si on peut dire ça comme ça. Tu étais sahir. En bête, tu devras faire kafara. Expier ce péché, parce que c'est un péché. Mais maintenant, on va prendre la question à l'envers. Quelqu'un qui est voyageur, lui et sa femme, ils sont voyageurs. Ils sont en santé, ils sont voyageurs. Ils ont décidé de ne pas jeûner, parce qu'ils sont voyageurs. Ils ont un rapport dans la journée. Là, il n'y a pas de problème. Ça, il faut bien qu'on comprenne ces choses-là. Je ne sais pas moi de l'omour. Quel omour, dhikha, mais qu'il ne cherche pas le faire omour, bi'idnillah. Quelqu'un qui est en voyage, il ne peut ne pas jeûner. Mais il songe. Walakin, il donne des comptes moussafir. Ou donne des comptes moussafir. Ah, يصوم خليه يصوم لذا كنت تسافر معاه خلاص دونك انا دي يجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفاره ايش هو الكفاره كيف comment tu peux racheter ce péché là que tu as fait comment tu peux le racheter هو اطعام 60 مسكينه tu devras donner. J'ai sauté les deux plus importants qui viennent avant. Et c'est quoi? Awwalan, c'est huwa'id wa raqaba. Avant de donner aux pauvres, c'est d'acheter et d'affranchir un esclave. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'esclave. Donc, cette première condition, elle s'annule. Il n'y a pas d'esclave. Ma cash. Où je me dis? Jouf, le jawab est tani min Allah. Fa illam yajid, fa siyam shahrayn mutatabi'ayn. Il n'y a pas d'esclaves, donc on ne peut pas franchir d'esclaves. Qu'est-ce qu'on devra faire? On devra jeûner pendant deux mois, jour après jour, sans interruption. Où je m'arrête ça? M'arrête ça, psaume. C'est tiyo. Le kent l'hajj, l'yom, t'menyo khamsin, ou taftar, le rodon l'indak, t'rejja kouche li somtom, ou t'aoud m'jdit. Hada l'imam. Hada, le sahih. Ama ida ken l'maïd. Au bout de 58e jour, il est malade. Il ne peut pas continuer à jeûner. Il ne jeûne pas. Il devra terminer les jours qui lui manquent. Mais quelqu'un qui est en bonne santé et qui fait 58 jours et le 59e jour, il ne jeûne pas, il devra recommencer à zéro. Il devra recommencer à zéro. Voyez ma tâche, ma dresse que vous m'avez fait à l'aise. Alors, dans cette condition, ça il l'a mis à faire, ça il fera, moi c'est une amiskine, les coulis miskines n'est-ce pas une chance qu'il balade. Il devra donner à manger à combien? À 60 nécessiteux, 60 pauvres. Ou il peut les donner s'il trouve 60 pauvres, il les donne à 60 pauvres en un jour, ou chaque jour, à chaque fois qu'il trouvera, il compte. Voilà, aujourd'hui c'est le 10e pauvre que j'ai donné. Voilà, aujourd'hui c'est le 20e, etc., etc. 18. Le musafir, le voyageur. مخير بين الصوم والفطر وظاهر الأدلة أن الفطر أفضل لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. Le voyageur, il est permis pour lui de jeûner comme de ne pas jeûner. S'il veut, il a le choix. Il veut jeûner, il jeûne, parce que le prophète عليه الصلاة والسلام, il a permis. Et s'il veut, il ne jeûne pas, il mange, il a aussi permis. Donc c'est toi qui as le choix. Si tu veux, tu jeûnes. Si tu ne veux pas, tu ne jeûnes pas. Et tu auras simplement à rendre les jours de jeûne qui t'ont manqué. 19e. Al-Hubla. Al-Hubla ayy al-Hamil. La femme qui est enceinte. ويدخل كذلك في حكم الحبلة المرضع ولا femme qui allait. Donc on a deux cas de figure ici. On a une femme qui est enceinte et une femme qui allait son enfant. C'est quoi leur حكم à elle? إذا خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا. Si maintenant elles ont peur pour leur enfant, pour celle qui est enceinte, elle a peur pour son enfant qui est dans son ventre, ou la femme qui donne le lait de son sein, elle a peur qu'en jeûnant, ça coupe du lait, parce qu'elle n'a pas assez de lait pour son enfant, elle peut manger. Donc elle mange normalement. Et qu'est-ce qui se passe après? وَعَلَيْهِمَا الْفِدْيَةَ وَلَا قَدَ عَلَيْهِمَا. Elles devront payer et ne pas rendre les jours. Mais cette masala, cette masala, c'est une grande masala. C'est une masala kibira. Min ahl al-ilm man qalu, il y a des gens de science, d'ailleurs eux, la masala qu'ils ont dit, ils ont dit non. Là, tardez. وليالو تقديم عندهم أدلة والآخرين عندهم أدلة ولكن بس نفهم هذه النقطة للتقديم نترك لو كان ميزون خمو شوية لتقديم مثلا المرأة نعرفوا بأن المرأة la première année elle est tombée enceinte elle n'a pas jeûné elle est enceinte la deuxième année elle a accouché elle est en train d'allaiter son enfant donc ça fait combien ça fait déjà deux Ramadan qu'elle n'a pas jeûné. La troisième année, elle retombe enceinte, la femme. Et ainsi de suite. Alors elle va se retrouver avec des années comme ça, 10 ans ou bien 11 ans d'accouchement et d'allaitement, pour rendre 10 ans. Donc les ulama qui ont dit, les ulama, les qalou de les tardis, rahmatan wa shafaqatan li hadhihi al-mar'a. C'est par miséricorde envers cette femme-là. Et même, va te dire à une femme qui, par exemple, qui a accouché, ou qui a naître, je lui dis, la, أذكر أنتم ترحموني ولا كيف تبركا هذه رحمة هذه ماشي رحمة هذه رحمة هذه دونك في علماء إذن لغ دليل إذن لغ دليل إذن لغ دليل ولكن نحن نقول بالقول الأول إنهم sur quel دليل on penche par rapport au premier دليل qui est donc de payer et de ne pas rendre des jours dans lesquels elle n'a pas jeûné إذا خافت على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضى عليهما عند ابن عمر وابن عباس ومن أفتد هذا ابن عمر من هو ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وشكون الثاني ابن عباس deux compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام ماشي احنا كنقولوا العلماء هذو هما العلماء الاولين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هما اللي يفتوا بهذا امر واحد درك يجي يقول لك وي ولكن يا اخي نحن إذا يعني تبين لنا الحق من الصحابة هم أولى بالآخرين هم الأولين تعلم تعلم الصحابة الذي يقول لا أنه تخطاك على طب جيب فوتات صلصان كما نفذي كما نفذي كما نفذي إنتهى الأمر أنا فعلا ديسكوتي أدير وي مي وي مي خاصة إذا تبين لنا الدليل سورتو كنت لابطا دي الأرجمون يتاريبي والحديث رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي وأبو داود كذلك Vingtièmement, à l'al-ha'id ou al-nufasa, un tafsura, celle qui a ses monstrues, l'adha shahriya, ou bien l'mar al-nafisa, celle qui a eu les sangs des lochis après accouchement, elles devront manger, elles n'ont pas à jeûner. Wa la yajuz lahum. La yajuz. C'est interdit pour qu'une femme qui a ses monstrues ou le lochis de jeûner. ولكن متى وقت الحيض طبعا ووقت النفاس وعليها عليهما القضاء. Et elles devront rendre les jours dans lesquels elles n'ont pas jeûné. Ça, c'était pour les choses qui étaient permises pendant le mois du Ramadan, ou en dehors du mois du Ramadan, comme on l'a expliqué. La deuxième partie de la khutbah que je vais commencer maintenant et que je terminerai dans la deuxième khutbah, c'est quoi? Ce sont des actes méritoires. Des actes méritoires que ce Sahaba ne laissait pas. Que Salafun Salah ne laissait pas. Pendant le mois du Ramadan ou en dehors du Ramadan, mais plus pendant le mois du Ramadan qu'en dehors du mois du Ramadan. Ils accomplissaient. تقربوا الى الامام بارك الله فيكم تقربوا الى الامام تقربوا الى الامام بارك الله فيكم نعم نعم جزاك الله خير rapprochez vous un petit peu de ça pour laisser un petit peu de la place pour les retardataires. Donc إليكم أيها الإخوة الكرام الأعمال الصالحة التي تتأكد في رمضان. Il y a des actes méritoires que c'est bien de les faire en dehors du mois du Ramadan. أعمال ديرها خارج رمضان ولكن في رمضان. لأن الله سبحانه وتعالى فضل هذا الشهر سماه في القرآن. كان الشهور عند الله 12 ولكن هذا الشهر سماه il lui a donné le nom تكلم به رمضان. Donc c'est quand même un mois sacré, c'est un mois béni, c'est un mois que Allah سبحانه وتعالى a donné de l'importance. Qu'est-ce qu'il faut retenir? أولا الصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Le prophète عليه الصلاة والسلام était généreux. Il était même très généreux en dehors du mois du Ramadan. Mais pendant le mois du Ramadan, il était encore plus généreux. كان ينفق. Il donnait. وكي احنا نقولوا ينفق. مش شرط ينفق المال. مش شرط المال. الماكلة. اللبسة. ترتشي مثلا واحد تشوفه ماهوش مكسي ترتشي له بنطلون ولا تشري له مثلا خلجة ولا تشري له فيستا هاو البرد ما عندوش باش يدفي روحه تشري له فيستا صدق عليه شرب الماء مثلا كان بزاف امور صدقه تدخل يا حسره صدقه ماشي غير احنا نقولوا صدقه المال نفهموا المال لا لا صدقه سي با اكسبري كو سا سوا كو دو لارجون سا بيت اوتر شوز ان فيتمون تو افي كيلكان كي نا با دو مونطو لا لو فوا اي داري تو لو اشتي ان مونطو بس تقولي وها بس هذا في هذا القصير ما عايش كاين ناس ما عندهمش جلالين وإن كانوا يعيشوا في فرنسا كاين ناس ما عندهمش ولكن ما يطلبوش ما يقولوش يحشموا ومليح خير كي ما يقولوش خير لأن ربما يروح يطلب ولا قريب ولا بلد ينكر عليه يبقى دموندي l'autre il va le rejeter. Alors vaut mieux ne pas demander, comme ça il ne se fait pas rejeter, il ne se fait pas humilier devant les gens. Le hadith est tali, c'est Al Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdalu sadaqa sadaqatun fi Ramadan. La meilleure des sadaqa, c'est celle qui est faite pendant le mois du Ramadan. Rawah al-Tirmidhi. Deuxièmement, une des choses qui est bien, c'est it'amu at'am, donner de la nourriture, faire manger des gens. Et ça pas que pendant le mois du Ramadan. Tu peux faire manger des gens en dehors du mois du Ramadan, comme on l'a dit. يقول تعالى qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit في كتابه الكريم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Donc dans le sens relatif et rapproché du verset, Allah il dit et ils offrent la nourriture malgré leur amour pour elle. Mais يحبوا النخلة يحبوها ولكن يفقوها يفقوها. À qui? À l'orphelin, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. L'assis, comme vous voyez, le prisonnier de guerre. Le prisonnier de guerre qui est contre tahti de l'muslimine, mais il dit au rush, mais il dit au rush, il dit au rush, il dit au rush, il dit au rush. En disant, qu'est-ce qu'ils disent? Bien que ce mot-là, il n'y est pas dans le verset. C'est pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Surat al-Insan, surat l'homme, versets 8 et 9. Qui dit le hajam, et tu le nasi gruha barakallahu fiqh. Non, mais ne frappe le barakallahu fiqh, tiens, la jazakallahu khair. Yani, idha kulta, Allah m'a barik, mais l'akin idha mazda tach, Allah dir khalillah. Moi, j'attends pas que tu me dises merci. Si je le sais, c'est pour Allah. Si tu me dis merci, c'est bien. Mais si tu me dis pas merci, alhamdulillah, Allah m'a natma'a fiqh. ما نسمعش تعطيلي ولا لا هذا فلله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فقد كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادات. كنقولوا سلفنا الصالح، من هم سلفنا الصالح؟ ونحن سلفنا الصالح سلف الصالح سلف الصالح، كل هم السلف الصالح هم الصحابة، هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أتباع الصحابة وتابعهم. C'est les trois générations مذكورة بالخيرية. Ce sont les trois générations صحابة تابعين وتابع تابعين. هذين هم السلف الصالح. ولكن نقولوا سلفنا الصالح سلفنا الصالح، لو كان مثلا ما نتمثلوش بهؤلاء الرجال الذي اختارهم الله لتبليغ هذا الدين، بما إذن؟ sinon on ne suis pas صحابة، si on ne suis pas تابعين qui étaient à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام، qui ont vu الوحي، كانوا الصحابة ils ont vu الوحي، شافوا الوحي ينزل، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر علم، وهم أقوى إيمان. Ils avaient plus de science que nous. Ils avaient une foi plus forte que la nôtre. Ils faisaient des sacrifices que nous, aujourd'hui, on ne peut pas faire des sacrifices. Ils faisaient des sacrifices pour la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si on ne suit pas ces gens-là, on va suivre qui? Des faibles comme nous? Des faibles? Khouf, Jair, Jarek, Ntatakoul, Teshba'a, Malab, Leflar, Yah, Khoukla, le Maklash. Ma'lish, Anna Mohim, Na'amara. Ton frère, ton voisin, c'est un musulman comme toi. Toi, t'as bien mangé, t'as rempli bien ton ventre, tu sais même pas si lui il a mangé, il a pas mangé. Mais il va pas te le dire. Mais toi, c'est pas ça, l'essentiel, c'est que t'as rempli ton ventre. C'est ça le sacrifice? Allah yahdi la fahma, inshallah. Les pieux prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils devançaient le fait de donner à manger aux gens devant toutes les autres adorations. يفضل يوكل يشرب واحد جاي ولا عشان خير من راح يعبد ربي يصلي 20 ركعه لله. Il préfère donner à manger que d'aller prier pour son seigneur. Donne à manger. سواء كان ذلك بإشباع جائع، que ce soit donc pour rassasier quelqu'un qui a faim، أو إطعام أخ صالح، ou parce qu'il a invité des gens، il les a invités، c'est un frère en Dieu، une sœur en Dieu، ils ont été invités، il les a fait manger. Alhamdulillah. Que ce soit quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui n'en a pas besoin, il ne pensait pas. L'essentiel, c'est que j'ai un invité, un zahir, l'azim yakulmulaire, l'azim yishber. Mais on ne te dit pas aussi, est-ce que le plastique? On ne te dit pas de faire plus que ce que tu ne peux faire. On te m'a dit, je traque celle-là, tu n'as pas de faire quoi qu'elle t'aime. Non, je m'a dit, je m'a dit. Inna Allah, là, il se dit, c'est ça, shay'a. Subhanallah. Troisièmement, taqsir al-sa'im. Là, maintenant, donner spécialement à quelqu'un qui jeûne. Quelqu'un qui gêne quand tu lui donnes à manger, Allahu Akbar. Ça veut dire pas manger. Une date, un verre d'eau, un verre de lait, kasselben, morsokhob. Hada wa l'islam. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man fatara sa'iman, kana lahu mithlu ajrihi, ghayru annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay. Subhanallah. Il aura la même récompense que celui qui gêne. Sans que celui qui gêne, il ne soit diminué dans sa récompense. واحد صام شفت الاجر اللي عنده، واحد ما شافش الاجر، وواحد ما على بالو بالاجر تاع الصائم. ربي سبحانه وتعالى يعطيك المثل الاجر تاع الصائم، اللي صام يعطيك مثل الاجر تاعو بلا ما ينقص من اجر الصائم شيئا. سبحان الله، سي با اون ميزيريكور دو لا بار الله سبحانه وتعالى. Il y a qu'à nous de faire des bonnes actions. Il nous a demandé de faire des bonnes actions. لازم نتعاندو في الخير. عندني ولا عندك في الخير، نشوفك دير الخير انا عندك. يقول لا ما شاء الله. وقد ما دير الخير وناس يشوفوك ويعندوك فلك اجر مثل هو كما دير كما تؤجر. سبحان الله. والله يضاعف لمن يشاء كذلك. اخرجه احمد والنسائي. كاتخيامون الاجتهاد في قراءة القرآن. سير لي فور دو لير القرآن. ليعرف يقرأ طبعا. يقرأ وما يعرف يقرأ يسمع. celui qui sait lire il va lire le Coran. celui qui ne sait pas lire il écoute celui qui lit le Coran. كثرة قراءه القران دونك لا بروميير دي شوز اسكو سي باساج لا سي ديفيز ان دو قراءه في رمضان لان ماش شهر رمضان هو شهر القران فينبغي ان يكثر العبد المسلم من قراءته وقد كان حال السلف العنايه بكتاب الله فكان جبريل عليه السلام يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القران في رمضان Les petits prédécesseurs, quand le mois du Ramadan arrivait, ils lisaient le Coran. Ils lisaient beaucoup le Coran. Celui qui sait lire le Coran, il doit lire le Coran. Celui qui ne sait pas lire, il écoute. Jibril alayhi salam, il venait justement pendant le mois du Ramadan où il enseignait le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière année avant sa mort, il était venu deux fois. Jibril alayhi salam. Kana ba'du salaf yukhtimuna al-Qur'an في كل ثلاثة ليالي. Il y avait parmi les fiers prédécesseurs, au bout de trois nuits, c'est-à-dire trois jours et trois nuits, bien sûr, ils terminaient le Coran en entier. Ils le lisaient. وبعضهم في سبعين. Et d'autres en sept jours. وبعضهم في عشر. Et d'autres en dix jours. عليكم السلام ورحمة الله. وبعضهم في كل سبعين. وبعضهم في كل عشر. فكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غيرها. Il lisait le Coran dans la prière et il lisait le Coran en dehors de la prière. C'est pas obligé que ça soit que dans la prière. En dehors de la prière, tu peux aussi lire le Coran, une chose qui est demandée, recommandée. Wa kana az-zuhri. Az-zuhri, subhanallah. Kana idha dakhala Ramadan yafirru min qira'ati al-hadith wa mujalasati ahli al-ilm wa yuqbilu ala tilawati al-Quran. Az-zuhri, quand le mois du Ramadan arrivait, qu'est-ce qu'il faisait? Il laissait tous les autres livres. تاع الحديث تاع السيره النبويه تاع التاريخ تاع التفسير وش يدير يقرا القران يلزم القران وسفيان الثوري رضي الله عنهما ورحمهم الله سفيان الثوري كيف كيف فوزي اذا دخل رمضان ترك جميع العبادات كونت لو مو دو رمضان ريف il délaisse toute adoration واقبل على قراءه القران كيف كيف فوزي يلزم القران Dans ce deuxième point, il y a le bouquin, il y a le fait de pleurer. Tout ce qui est le kalam Allah. Il y a le Coran, kalam Allah. Kalam Rabbi al-Alamin. Où est-ce qu'il y a le maak? Dans le qima, dans le sha'an. Il t'a donné de l'importance, Allah subhanahu wa ta'ala, en te descendant ce mafha, en te descendant kalam. Il t'a donné de l'importance. C'est pour ça que quand tu lis, tu dois pleurer. Tu te dis, subhanahu Rabbi, mon Seigneur, il est en train de s'adresser à moi. Où est-ce qu'il y a le maak, ya Rabbi? الله أكبر الله أكبر لم يكن من هد السلف هد القرآن هد الشعر صدق يا أخوان صدق تطحقي des habitudes des pieux prédécesseurs de réciter le Coran rapidement الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بلا ما يفكر فيه بلا ما يتدبر فيه بلا ما يبحث شنو معنى هذه لا كان لكل آية حقها الحمد لله رب العالمين لنا الحمد لله الرحمن الرحيم ويسمع ذلك في صوت السبب في قديس السلسة عندما كان يقرؤون القرآن يتدبرون ويتفكرون في معاني كلام رب العالمين وإنما كانوا يتأثرون بكلام الله عز وجل ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي للبخصص عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دلبيني على القرآن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيتوني Il s'est étonné. Ça coule tout. Il y a un abdallah de ma tête khal. Aqra wa alayka wa alayka unzil. Tu veux que je te lise le Coran et c'est sur toi qu'il est descendu? Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. Dit, j'aime bien l'écouter mais d'autrui. Min wahid ghayri. Nuhib nasma'a le Coran. Min ghayri. Qala faqara'atu surat al-Nisa. Hatta idha balaghtu. Alors j'ai commencé à réciter surat al-Nisa jusqu'à que je suis arrivé à ce verset-là. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لذكر سورة النساء لذكر رقم 40 dans son sens rapproché Allah subhanahu wa ta'ala يقول comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous nous ferons venir comme témoin contre ces gens-ci الرسول صلى الله عليه وسلم donc قال حزبوك أي توقف خلاص c'est bon يكفي فالتفت فإذا عيناه تدرسان. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? quand Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il s'est arrêté de lire, il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Ar-Rasoul en train de pleurer. Ar-Rasoul yibki. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yibki. Shkoun enta w shkoun ana bach ma nibkouch? Shkoun? Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yibki. يسمع كلام الله احنا نسمع كلام الله نضحكوا احنا نسمع كلام الله نلعبوا نسمع كلام الله ما نتحركوش نسمع كلام الله ما ماشي لينا كذا ما لا لا هذا لا غيري ايش انا طلعت عبد الله في ريسيتي او سي با بور مو اون ريغول اون جو اون ساموز سي بور لي زوتر كي دي سي سي با بور مو انت منهم سي سي بارتي دي زوتر بو اوسي وقال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ne rentrera pas en enfer celui qui a pleuré pour Allah subhanahu wa ta'ala. يبكى لله وماشي عيب بس تبكي. احنا نقولوا غير مسلم يبكوا لا حتى رجال الصحابة رضي الله عنهم اللي حتى حمدت هكذاك ويبكوا لله سبحانه وتعالى. Les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ils avaient des grands barbes jusqu'ici. Ils pleuraient comme des petites filles quand le Coran était récité. يبكى ماشي غير الانسى. الرجال كانوا يبكوا. ولكن ما يبكوش الحاجة تاع الدنيا يبكو الحاجة تاع الصح يبلغ بوكوا يبلغ فور دي شوز فغي القران سي نورمال لو كير يساتوندري بذكر الله وهو القران سانكيمون الجلوس في المساجد حتى تطلع حتى تطلع الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداء اي الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. Il est conseillé, pour celui qui peut le faire bien sûr, de s'asseoir à la mosquée après la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil. Pourquoi? Parce que le prophète عليه الصلاة والسلام le faisait, la loi musulmane. Wa akhraj at-Tirmidhi min hadith Anas radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man salla al-fajr fi jama'atin ay salla al-fajr fi al-jama'a ma shi fi baytik fi al-jama'a dans la mosquée thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatla' ash-shams thumma salla rak'atayn كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة هذا في كل الأيام فكيف بأيام رمضان. Le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce hadith là qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui fait deux rak'at après cette assis après la prière du Fajr quand le soleil il y a eu le lever du soleil il a fait rak'atin c'est comme s'il avait fait un hajj et une umra, la même récompense que le hajj et la umra. Ça c'est en dehors des jours du mois du Ramadan. Alors qu'est-ce qu'on doit dire quand c'est pendant le mois du Ramadan? Wa kadhalika al-i'tikaf wal-umra fi Ramadan, at-tahari laylat al-qadr, al-ikthar min al-dhikr wad-du'a wal-istighfar. Fi al-haqiqa, ahna ma 'andnash bzaf al-waqt. Rana dayman nhawlu nzerbu shouya. Walakin Allah ghalib. Lou kan nabda nzerb, qalt lam yqultu ma nqoulouch. Samhou li, ربما راني نخذ بزاف الوقت. ولكن كان احكام وامور خاصه في رمضان ان شاء الله كي ناخذ من رمضان الخطب تاعنا يكونوا قصار ولكن في رمضان كان امور ومازال ما كملش كان حوايج راني نحيطهم لان علاش الوقت ضيق ها بديت قبلها وقت صلاه الفجر j'ai dit qu'il faut m'excuser si je prends beaucoup du temps c'est parce que pendant le mois du ramadan il y a beaucoup de choses à dire beaucoup de règles à savoir beaucoup de lois à connaître sur ce mois là En dehors du mois du Ramadan, la khutbah sera plus petite et plus courte. Ça, je le sais, j'ai conscience. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Je le sais. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vont à l'école, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ne peuvent pas trop s'asseoir. Je le sais. Voilà qu'il y a des choses qui sont importantes. Et malheureusement, si je fais, par exemple, une khutbah de 20 minutes ou 25 minutes, je n'aurai pas le temps de dire tout ce que j'ai à dire. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-abrar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. يا حي يا قيوم برحمتك نستعيد اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك ورب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tiré uniquement du Coran et de la Sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des deux prédécesseurs, Salaf Salih, allez sur notre site internet, da'wa.com, www.darwa.com. Vous y retrouvez de très nombreuses cassettes audio, vidéos, articles, livres, fatwas, traduits de l'arabe en français, Inch'Allah.